sais même pas y jouer ça. Je sais pas. Le refrain, c'est pas pareil. J'ai trouvé pas. C'est quoi ça? Un ré et un mi mineur pour We Rock You. Stevie Ray Vaughan. Life by the Drop. Je connais pas. Titi. Mais non, non, moi j'ai. Si vous voulez la faire. Je peux la faire en chantant un peu. Sinon, je peux vous proposer celle-là. Ré, Do, Sol. Je vais encore mettre un truc bâtard là-dessus. Il faut que ça fasse. Qu'est-ce qu'elle a, ma batterie? Elle veut pas partir? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Oula. Allez, elle est carrée. Ouais, presque. Thank you. Oh, c'est quoi ça? Bah, téléphone, si, je vois. Mais, tu sais, c'est les bouquins, diapason. Bizarre qu'il n'y a pas de téléphone là-dedans. J'ai pas le bon, j'ai pas le bon diapason. On peut chercher les titres ou les noms, non? Il n'y a pas un téléphone là-dedans? À l'idée. Si j'ai Hygiaphone et le jour s'est levé. Mais le jour s'est levé, il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Hein. Je peux faire que le jour s'est levé parce que Hygiaphone. Le jour s'est levé. Il y en a qui aiment pas. Hein. Vous aimez pas le jour s'est levé? C'est pas ma faute, hein. Y a que ça. De gilles en tant qu'ichet, contreplaqué, aggloméré, linoléum, bureau des PTT, toute la sainte journée. J'ai hâte de parler. Non, mais je sais même pas la chanter celle-là. Non, le jour s'est levé, c'est fait ça. Do. Non, t'aimes pas. Bon, d'accord, on la fait pas. Mais j'ai que ça, le téléphone. Mais bon, je peux en essayer une. C'est quoi un reset? Écoute, hein, je suis en train de faire un truc. C'est quoi un reset? Le resetième, c'est... Un resetième. Ouais, un Indochine, si tu veux. Tiens, j'ai pas d'Indochine là-dessus, là. Allez, viens là, viens avec moi, ne pars plus sans moi. Et tu prends tes vêtements, tu les mets sur toi. Ah, ah, ah. Mais qu'est-ce qui brille? L'aventurier. Oh, le chien, il n'y en a pas là-dedans. Ce sont des... Égaré dans la vallée infernale. Y a pas. Putain, c'est pas grave, je cherche sur internet. Y en a pas. Faut que je m'en trouve un autre, tiens. Voilà un cadeau de Noël. Ça passe de H à Ursule. Bon, c'est quoi? Égaré dans la vallée infernale. Et on s'appelle Bob Moral, à la recherche de nombreux jobs. Pour Noël, bonne idée, c'est ça. Avec l'Indochine et le téléphone. Non, attends, moi je vais. Là je joue facile, hein. Parce que je vais aller manger, j'ai faim. Elles sont où les paroles, les paroles. Si j'aurai le temps, ce sera peut-être la prochaine. Hein. L'aventurier. Égaré dans la vallée infernale. Ah, il y a quelqu'un qui se branche. Copier. C'est Serge qui met de la peinture. Ouais, ça va, ça. C'est bon. Ça va ce soir. sentir au parfum d'y aller. Je suis mon sang-noël, je suis mon passe une bonne soirée. Allez Titi, à bientôt.